qui en avisèrent tout le conseil d'administration des présidents et les hiérarchies présidentielles de présidents de toute présidence, dans tous les coins du petit pays. Tous ces gens, en qualité de président, présidaient, mais ils n'avaient pas d'autre talent, et contre l'épidémie, ils ne savaient que faire. Ils appelèrent le président de la Congrégation des hommes de science, qui dit « Il est évident, chers collègues présidents, que l'épidémie est causée par quelque charogne contagieuse, un cadavre qui contamine notre petit pays. » Mais comment pouvait-on dire une bêtise pareille ? Le petit pays avait sa petite foi. Les cadavres étaient régulièrement enterrés ou empilés dans de petites copropriétés de caveaux mortuaires. Même la criminalité organisée les ensevelissait avec dévotion dans des fondations en béton ou les dissolvait chrétiennement dans l'acide. Le président des hommes de science se trompait certainement et la cause de l'épidémie devait être cherchée ailleurs. On appela le président de la Congrégation des libres citoyens contre les minorités raciales. L'épidémie, dit-il, est une conséquence de la multiracialité. Les émigrés apportent des maladies incurables et inconnues. Brûlons nègres et roumains et nous stopperons la contagion. On dressa de hautes piles de bois. On y conduisit les immigrés. Le feu dura des jours et des jours. La file des condamnés était longue, mais bientôt on les eut tous éliminés. Pourtant, la contagion persista. Peut-être bien qu'il s'agit d'une charogne en putréfaction, dit le président de la Congrégation des libres citoyens contre les minorités raciales. Mais il est où ce cadavre ? On appela le président de la Congrégation des libres citoyens contre les minorités religieuses et sexuelles. L'épidémie, dit celui-ci, est le résultat du comportement déviant de nombre de nos petits concitoyens. Brûlons pédés et putains et nous stopperons la contagion. On dressa de hautes piles de bois. On y conduisit les prostituées et les homosexuels. Le feu dura des jours et des jours. La file des condamnés était longue, mais bientôt on les eut tous éliminés. Pourtant, la contagion persista. Peut-être bien qu'il s'agit d'une charogne en putréfaction, dit le président de la Congrégation des libres citoyens contre les minorités religieuses et raciales. Mais elle est où cette carne, pour qu'on ait tant de mal à la trouver ? Peu à peu, on convoqua tout le monde et on vit arriver les présidents de la Congrégation contre les minorités politiques et sociales, ceux de la Congrégation de la corruption simple et complexe, les présidents de la Congrégation des mafias unies, les présidents de la Congrégation de la désinformation, du mensonge délibéré et de l'huile jetée sur le feu, et aussi tous les petits présidents des congrégations mineures. Mais la contagion s'amplifiait, et la population était maintenant décimée par l'épidémie. La masse des présidents venus de tous les coins du petit pays encombrait toute la place. L'un après l'autre, ils furent tous reçus. Un jour de mai, un homme arriva, une bêche sur l'épaule, attendant humblement en silence que son tour arrive. « C'est qui ce type ? La congrégation des grands propriétaires qui désherbent au plutonium a déjà été entendue, dit le président des présidents. De même que le petit président de la congrégation des cultivateurs d'organismes génétiquement modifiés, ajouta le président du conseil d'administration des petits présidents émérites. « Et toi, tu présides quelle congrégation ? Lui demanda le président adjoint au détachement territorial de la présidence des aspirants petits présidents. « Moi, je ne suis pas président, répondit-il, je suis le croque-mort. Mais je sais comment stopper la contagion. La cause de l'épidémie, c'est vous, messieurs les présidents. Vous êtes morts et vous ne vous en êtes pas rendu compte. » Il en tira le président du Conseil, le président de la République, les présidents émérites, les présidents des conseils régionaux, généraux et municipaux, tout le conseil d'administration des présidents et les hiérarchies présidentielles de présidents de toute présidence, jusqu'au tout dernier président, dans le dernier recoin du petit pays, alors seulement la contagion fut stoppée. Voilà, c'est un texte Ascanio Celestini, qui est un Italien, qui est créateur de cinéaste et dramaturge italien, et qui est né à Rome en 1972. Et alors, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre, de livres et trucs comme ça, mais il a écrit surtout ce texte est tiré d'un livre qui s'appelle Les discours à la nation. Et c'est un livre plein d'humour ravageur qui appelle à la révolte et au moins à la prise de conscience. Face à la corruption de la classe politique, à sa collusion avec la mafia, face au contrôle des médias par les pouvoirs politiques et financiers, à l'aliénation par la misère, à la soumission et à la désunition des dominés, face à toute privation des libertés fondamentales, au sort des sans-papiers et au racisme, tout cela en Italie, mais bien sûr, mais pas que en Italie. Voilà. Ben, bonne introduction pour une émission anarchiste. Tranchenard. Ben, voilà, et maintenant on va écouter une chanson pour introduire le sujet le travail social en lutte et la fracture numérique. C'est la chanson Ouvert, fermé de Lapin électrique. Voilà. Et entre-temps, on essaye d'appeler quelqu'un du collectif pour en savoir plus. Le Lidl de la rue Santouri. Ouvert. Hard discount allemand. Ouvert. La petite épicerie du coin. Fermé. Le garage de voiture. Fermé. Deux garages de moto bon marché. Ouvert. L'usine de papier. Fermé. La ferme du vieux Dimitri. Ouvert. Bonjour. Allez, bonsoir plutôt. Tu fais partie du travail social en lutte et vous êtes commencé à faire des actions depuis quelques mois. Oui. Donc en gros, je m'appelle Jacqueline, moi je suis assistant social et c'est via le cadre du boulot que j'ai été au courant des actions de travail social en lutte. En gros, on est un collectif de citoyens et de travailleurs sociaux qui s'est rassemblé pendant la première pandémie. Par rapport à tous ces problèmes que pouvaient rencontrer les gens, par rapport à la fermeture consécutive de pas mal de services publics. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble, tenter de trouver des solutions, et puis on a décidé de mener des actions pour tenter de pouvoir changer ça, pour que les gens puissent avoir accès à leurs droits à nouveau. Et vous êtes commencé avec une première action quand ? Notre première action, on l'a fait juste avant le 30 octobre devant le bureau des bourses d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En gros, on a décidé de d'abord mener ça parce que c'est des bureaux qui étaient complètement injoignables, auxquels les formulaires papier n'étaient pas vraiment pris en compte et tout demandait d'être fait en ligne. Et en fait, on a été dans nos permanences complètement débordés par ces demandes dans plusieurs services sociaux. Et donc, on est vraiment devenu un peu de succursale des bureaux de bourse d'études. Et donc, on a décidé de manifester devant chez eux en disant, en fait, dès que vous fermez ou dès que vous devenez injoignable, ça retombe sur nous. Et surtout, ça prive une bonne partie des citoyens de pouvoir avoir accès à ce droit-là. Et qu'est-ce que vous avez aussi fait appel à des médias, vous avez fait un communiqué de presse et un carte blanche et tout ça. Est-ce que ça a été bien relié, vos actions? Est-ce que vous avez des résultats? C'est vrai que notre carte blanche a assez bien fonctionné. Elle a bien tourné un peu partout via les médias. Arrivé à notre première action, on a eu des petites interventions dans les médias, dont le média Tout va bien. Donc ça a été bien pris, mais c'est vraiment à l'action numéro 3 devant la CSC mardi dernier que là on a eu vraiment une belle couverture médiatique dans beaucoup plus de médias dont aujourd'hui. Vous continuez à faire parce que vous faites plusieurs services, donc oui. Donc après la bourse d'études, vous avez encore d'autres cibles, non? Oui, tout à fait. Du coup, après les bourses d'études, il y a eu une action à Liège devant les banques. Parce que ça aussi, c'est un des premiers services qui a fermé avec le Covid et qui n'a toujours pas rouvert ou très difficilement. La plupart des banques sont particulièrement injoignables. Troisième action, c'était mardi dernier. On a été devant le bureau de paiement de chômage, donc le bureau de service à la CSC à Bruxelles, parce que c'était particulièrement compliqué. Ça ne ressemblait plus à rien. Ils n'ouvrent plus, c'est impossible de les contacter. Et il y a aussi une autre action ce 15 février devant le bureau de la CAPAC à Liège pour les mêmes raisons. Et est-ce qu'à chaque fois vous êtes reçu, est-ce qu'il y a des... par les services, comment ils perceptent cette action et comment vous arrivez à parler de tout ce qui ne va pas? La première fois, on a à chaque fois des délégations différentes avec vraiment des travailleurs sociaux et des personnes qui sont concernées, qui vont dedans. Pour le bureau des bourses d'études, ils ont été reçus, mais ça a un peu été au forcing, en disant, nous, on voudrait vous en parler, mais malheureusement, ça n'a rien donné. On a donné nos revendications, on a expliqué de pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on avait fait, mais il n'y a eu pas du tout de dialogue et ça n'a pas mené à grand-chose. Devant les banques, même chose. Malheureusement, il n'y a pas eu vraiment un retour. Mais par contre, pour l'action devant la CSC, là, on a eu la chance parce qu'on avait des contacts en interne aussi. Donc, on a eu une pré-réunion pour laquelle eux espéraient qu'éventuellement, la manifestation ne serait pas. Ensuite, on a été reçus sur place par le directeur de ce centre de service. On a de nouveau une réunion le 1er mars pour pouvoir continuer. Donc là, on espère vraiment qu'il y a des actions qui vont changer concrètement suivant ce qu'ils ont pu déjà mettre en avant. Et vous êtes nombreux dans votre collectif. Il y a beaucoup d'associations qui s'adhèrent. C'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, on est soutenu par pas mal de gens. Donc que ce soit aussi bien à titre privé qu'à titre d'association, qu'à titre de fédération de services sociaux ou d'autres mouvements. Maintenant, on est un groupe qui est toujours en construction. On reste ouvert. On tourne avec un bureau permanent à Liège. On tourne avec un bureau permanent à Bruxelles. Mais au total, voilà, on a une mailing list d'une cinquantaine de personnes de façon très large. Mais voilà, la carte blanche a été signée par presque 200 personnes. Donc, des adhérents, on en a. Maintenant, dans le groupe en tant que tel, c'est difficile à dire combien on est exactement. Ouais. Et donc, vous allez continuer un peu partout encore, c'est ça? Ben voilà, on a la volonté de pouvoir continuer justement à dénoncer le fait que, ben, en travaillant dans un tout au numérique ou en restant avec des guichets fermés, ben, ça laisse toute une partie de la population de côté. Et donc, notre prochaine action qu'on voudrait mettre en place, ce serait devant le SPF Finance, qui eux aussi, depuis 2 ans, ont complètement arrêté leur service d'aide au remplissage des déclarations d'impôts. Et donc, c'est les services sociaux qui doivent faire ça. Et c'est surtout les personnes qui, du coup, reçoivent des amendes de 150 euros parce qu'ils ne savent pas comment faire et qui, donc, n'ont pas rempli leur déclaration. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà en évolution, la fracture numérique avant Covid. Mais avec Covid, c'est devenu pire, ou c'était déjà une volonté de la base des services de changer complètement de fonctionnement? Bah, je crois que pour pas mal de services, ça a été la bonne excuse pour passer au tout numérique du jour au lendemain. Voilà, on a entendu en certains endroits, mais typiquement, par exemple, pour les bourses d'études, on savait que les dossiers électroniques étaient traités en premier. Pour la CSC, on nous a clairement dit, mais nous, le but, c'est de passer au plus de numérique possible. La prise de rendez-vous en ligne dans pas mal de bureaux, les applications de téléphone qui peuvent remplacer à peu près tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de passer au numérique par simplicité, par réduction des coûts, par diminution des charges, des charges pour engager des travailleurs. Et je pense que le Covid a vraiment renforcé ça. Et depuis 2 ans, ça n'a pas été remis en question parce que c'était entre guillemets nécessaire, si on veut. Et donc, ils se disent, OK, on a la bonne excuse, c'était là, ça a parfaitement fonctionné, on va continuer dans ce sens-là. Et nous, on dit, non, en fait, ça ne fonctionne pas. Et il faut reprendre un peu la réalité des personnes et revenir. Il y aura du numérique, oui, mais pas le tout au numérique et surtout pas du numérique pour du numérique. Oui, parce qu'en plus, ça n'a pas l'air bon fonctionner parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir leurs droits, qui n'arrivent pas à la joindre. Donc, c'est un peu contradictoire. Ah oui, tout à fait. Il y a un taux de non-recours qui est en train d'exploser. Les gens abandonnent ou les gens simplement n'arrivent plus. Même nous, dans les services sociaux, on renvoie des mails 1, 2, 3, 4 fois parfois. On doit vraiment, on passe des heures au téléphone. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en disant, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, je sais pas avoir quelqu'un au téléphone, je sais pas me rendre sur place, qu'est-ce que je fais? Donc oui, non, c'est en train de complètement exploser, donc non, ça fonctionne pas du tout, et ça part d'un présupposé que tout le monde a les compétences et le matériel pour le faire, alors que c'est pas du tout le cas. Et même si tu as le matériel et tout ça pour le faire, tu n'arrives pas à les joindre. Donc, oui. Très difficilement, avec des grands retards qui causent pas mal de problèmes ensuite. Oui, tout à fait. On a quelqu'un du collectif qui a du coup été reçu à la CSC. C'est ce qu'on se dit. Elle a tout à fait le capital culturel, le capital des compétences. Elle maîtrise la langue. Donc, théoriquement, sur papier, c'est censé bien se passer. Elle a eu 4 mois. De retard dans ses allocations de chômage, donc 4 mois sans ressources, c'est pas du tout acceptable, sous principe que, on est débordé, ou alors il fallait uniquement passer par là, parce qu'on pouvait pas vous recevoir sur place, et c'est vraiment ça qu'on dénonce aussi. Un grand merci pour tirer à l'arme, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont touchés par ce qui se passe, et je sais pas si tu voudrais encore rappeler ou pour faire venir plus de gens, plus de monde, c'est ça? Aussi des gens qui sont touchés par la problématique. Donc pour toute personne intéressée, donc on a une page Facebook de Travail Social en Lutte. Pas besoin d'être travailleurs sociaux. On considère que à partir du moment où on s'active un peu pour la société, on peut être considéré comme travailleurs sociaux. Pour toute personne intéressée, un message sur cette page-là se trouve aussi un mail. On a un site internet maintenant qui existe sur lequel on peut retrouver notre carte blanche qui reprend vraiment c'est quoi notre combat. Donc on invite toute personne concernée ou qui a envie de tenter de faire changer les choses ou d'en débattre à nous rejoindre. Ok, bien merci. On va écouter maintenant, après une petite chanson, La semaine sanglante. Donc le reportage son de la dernière action que vous avez faite avant le CSC. Pour voir l'ambiance aussi, pour voir qu'est-ce qui c'est le résultat de votre action là, à ce moment-là. Ça va? Oui, parfait, super. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine action. des mouchards et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les euros même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure, les complaisants, les décorés, sans le bourser de coin de rue, amants de filles au rebut, brouillés comme un tas de verrues, sur les cadavres des vaincus. On ramasse au hasard la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche des mauvais joues. Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du chômage? Oui, mais ça branle dans le manche des mauvais joues. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Travail social en lutte. On vous remercie énormément d'être là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a déjà une délégation qui vient de rentrer, donc qui est reçue ici par la direction de la CSC pour exposer un peu notre point de vue en tant que travailleurs sociaux et en tant que premier concerné, c'est-à-dire ayant droit aux allocations de chômage. Donc, on en a 3-4 travailleurs sociaux et demandeurs d'emploi pouvant prétendre aux allocations de chômage qui sont rentrés et qui sont reçus en ce moment par la direction de la CSC. On va voir ce qui en sort. Alors, votre temps est précieux. Je ne sais pas si vous pourrez rester jusqu'à ce qu'ils ressortent et qu'ils nous dise un peu ce que, de quoi il en retourne et ce qui ressort de cette discussion. Mais autant que possible, on vous invite à rester et puis à entendre ce qui ressort de tout ça. Et puis après, peut-être à en discuter tous ensemble, quoi. Je rappelle l'objet de cette action, même si, si vous êtes là, vous êtes un petit peu au courant, mais on va redire qu'on est là aujourd'hui pour protester contre cette dérive de la dématérialisation des services, et plus spécifiquement la dématérialisation des services dans les services qui délivrent les allocations de chômage depuis des mois, depuis évidemment la crise Covid, mais on sait que la tendance est là depuis des mois. On a, nous, en tant que travailleurs sociaux, de plus en plus de cas de personnes qui ne parviennent pas à accéder à leurs droits, qui ne parviennent pas à boucler leur dossier d'allocation de chômage et qui sont en galère pendant des semaines. C'est évidemment des situations tragiques pour toute une série de gens qui se retrouvent sans revenus. Et pour nous, travailleurs sociaux, c'est évidemment une façon de sous-traiter en fait le travail des centrales de services. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre temps de travail qu'on consacre à ces situations-là, on ne peut pas le consacrer à nos missions de base. Et ça signifie que finalement, toute une série de services qu'on devait rendre à la population, aujourd'hui, ils ne sont plus rendus ou moins bien rendus. Donc on est là pour dire que cette situation, on n'en peut plus. Il faut trouver une façon de rendre les caisses d'allocation de chômage et toute une série d'autres services de nouveau accessibles en présentiel pour tous les gens qui ont des difficultés à aller sur Internet, pour tous les gens qui ont des difficultés à remplir un formulaire numérique, pour tous les gens qui n'ont pas d'accès à Internet chez eux, qui n'ont pas de connexion, et ils sont quand même nombreux. Et on est là pour dire que, en règle générale, dans le social qui a connu une vague, en fait, une surcharge de travail énorme depuis le début du Covid, il faudrait enfin mettre les moyens de façon à ce qu'on puisse un peu s'occuper correctement de nos publics, de nos ayants droit, de nos usagers. Et alors, dans quelques instants, je vais laisser la parole à tous ceux qui souhaitent la prendre, en fait, pour expliquer leur vécu, leur réalité de travail ou leur situation. Donc, on va faire ça dans un petit moment. Ça va être micro ouvert, et donc, welcome, n'hésitez pas. Mais dans un premier temps, je vous propose d'ambiancer un petit peu l'espace, de faire un peu de bruit pour la CC et principalement pour la direction, montrer que nos camarades qui sont à l'intérieur, ils sont soutenus par quelques-uns, quoi. Je me permets de dire la direction de la CSC, parce que je fais cette précision que nous, évidemment, notre action aujourd'hui, elle n'est pas dirigée contre les travailleurs des centrales de services. Ces gens font ce qu'ils peuvent, ils obéissent à des directives. Nous, on les considère plutôt comme des collègues et pas comme des adversaires. Mais à un moment donné, la direction, c'est-à-dire le management des centrales de services, des caisses d'allocation de chômage, doit comprendre que l'accès aux centrales de services, c'est un droit, et que on ne peut pas déroger à ça, quoi. Et que les gens qui sont en centrale de services doivent pouvoir faire leur métier en présentiel. Et donc, je vous propose de balancer 2-3 slogans. Ceux qui ont déjà participé à nos actions, ils savent bien qu'on a une petite signature. On commence toujours nos actions par ce slogan et on les termine par ce slogan. Et donc ça fait comme ça. Tout le monde se bat pour le social. Le social se bat pour tout le monde. Tout le monde se bat pour le social. Le social se bat pour tout le monde, tout le monde se bat pour le social se bat pour tout le monde se bat pour le social se bat pour tout le monde se bat pour le social. le slogan phare de notre campagne contre la dématérialisation. Pour tous, qu'est-ce qu'on veut? Des services pour qui? Pour tous. Ouverts. Pour tous. En présentiel. En présentiel. Pour tous. Qu'est-ce qu'on veut? Des services. Pour qui? Pour tous. Ouverts. Pour tous. En présentiel. En présentiel. Qu'est-ce qu'on veut? Des services. Pour qui? Pour tous. Ouverts. Ouverts. En présentiel. En présentiel. Pour tous. Pour tous. Des services. Des services. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Myriam, je suis assistante sociale. J'étais assistante sociale auparavant au CPS, dans un CPS bruxellois. Et j'étais amenée aussi à avoir pas mal de situations où il y avait des soucis par rapport aux allocations chômage, par rapport à des personnes qui attendaient depuis des mois à être indemnisées au niveau de leur allocation chômage et qui demandaient au CPS des avances parce que le syndicat traînait et parce que des personnes attendaient pendant 5-6 mois leur allocation de chômage et c'est pas normal. Un jour j'ai vu une personne venir demander à un jeune père de famille des allocations de chômage au CPS là où je travaillais. Il est venu, il m'a expliqué que ça faisait 5 mois qu'il attendait ses allocations de chômage. 5 mois qu'il était affilié ici à la CSC et 5 mois que malheureusement il n'avait aucun paiement. Donc il est en CPS pour qu'on demande de l'aide pour avoir des avances parce que la CSC ne l'indemnisait pas. Et monsieur était un jeune père de famille et son contrat de bail arrivait à terme. Parce que c'est la fin de son contrat de bail. Et donc du coup, son propriétaire n'a pas voulu prolonger son contrat de bail parce que ça faisait 3-4 mois qu'il n'avait pas payé son loyer. Donc le propriétaire a décidé de ne pas prolonger son contrat de bail et monsieur s'est donc retrouvé dehors avec sa femme et ses enfants et il vient devant moi m'expliquer ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est pour dénoncer ça, pour que voilà, il y ait des services ouverts, des services qui répondent. Parce que cette personne-là avait contacté son syndicat à de nombreuses reprises. Il avait appelé les lignes qui ne répondent jamais. La petite musique qu'on entend pendant des minutes et des minutes pour que ça raccroche à la fin alors qu'on a appelé pendant une demi-heure. Voilà, c'est pas normal. Les mails aussi, envoyer des mails sans réponse. Envoyer des mails, attendre pendant 15 jours pour avoir une réponse par mail, ce n'est pas normal. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour qu'il y ait des guichets ouverts, c'est pour qu'il y ait des personnes qui puissent répondre directement aux demandes, des personnes qui sont dans le besoin, qui attendent leur argent, parce que c'est des gens qui ont travaillé, qui ont le droit à leur allocation de chômage, et voilà. Ouais. Bonjour tout le monde, du coup moi je suis un peu les deux, je suis travailleur social et chômeur complémentaire, donc je suis un peu dans les deux cases, et juste j'ai appris un truc au mois de décembre, donc vu qu'on a eu beaucoup de surcharge de travail, j'ai pas rendu mes cartes bleues dans les temps. Et alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un logiciel qui, quand t'as pas rendu tes fiches à temps, envoie une info à Actiris qui te désinscrit de chez Actiris. Donc en fait, qui t'enlève tes droits au chômage. Et ça, tu ne l'apprends que si tu appelles, que tu attends trois quarts d'heure, et alors la dame que j'ai eu au téléphone m'a tout bonnement raccroché au nez, sans réponse. Donc voilà, je crois que là, on arrive à des stades où en fait, les machines décident pour toi de qui a droit à ses droits, qui n'y a pas droit. Et ça va un peu loin, quoi, il faut qu'on se réveille. Voilà. Une petite annonce. Eh bien, simplement pour vous dire que, comme vous êtes des travailleurs sociaux, engagés, motivés, on vous remercie. Merci. Et sachez qu'à la CSC, on demande des gens comme vous, motivés, en manque de bras, donc vous êtes les bienvenus. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser votre candidature, vous serez bien traités. Merci. Ça me permet de faire la transition et de faire le wallon de service. Je suppose que la plupart des personnes qui sont là sont de Bruxelles. Oui. Ouais. Il y en a d'ailleurs. Ouais, il y a moi. Ouais. Ok. Je voulais vous dire, donc moi je viens de Liège, je travaille en CPS. Alors, la petite annonce que le monsieur vient de faire pour la CSC, ça fonctionne aussi pour le CPS de Liège. Ou en fait... On est dans une situation où la surcharge de travail est telle, où les conditions sont tellement mauvaises, qu'on n'arrive plus à recruter en fait. Les jeunes travailleurs sociaux qui viennent bosser chez nous, ils restent 2-3 mois, Et puis, comme il y a mieux ailleurs, et puis surtout un travail peut-être plus utile et moins contrôlant ailleurs, à Isbar, en laissant les dossiers comme ça, ce qui est normal, hein, ils ne bossent plus, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ça signifie que la charge de travail retombe en fait sur les collègues et sur nos usagers qui sont ces temps-ci pas forcément payés à temps, quoi, pour le dire clairement. Et en fait, ceci n'est pas la conséquence du peu d'investissement ou du peu de professionnalisme des jeunes qui nous rejoignent, mais en fait d'une politique managériale qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus du tout attractif de travailler en CPS. Le cadre quotidien, en fait, est déjà insuffisant. Avec les absents pour maladie et les démissions en chaîne, évidemment, c'est encore plus compliqué de travailler. Donc, ce qu'ils vivent à la CC, moi, je le comprends tout à fait. Et je les invite à lutter en interne pour de meilleures conditions de travail, pour un refinancement de leurs propres services et des services sociaux en général, de façon à ce que les conditions de travail soient un peu meilleures et qu'ils aient peut-être plus de facilité à recruter des collègues. Nous, en tout cas, c'est l'idée qu'on a au CPS de Liège en tant que travailleur, c'est plutôt ça, quoi. C'est de se dire, aujourd'hui, il faut un refinancement de l'ensemble des services sociaux, autant dans le public que dans le privé, pour que les conditions de travail soient meilleures et que l'accueil du public soit un petit peu plus digne. Tout le monde se bat pour le social, le social se bat pour tout le monde. Tout le monde se bat pour le social se bat pour tout le monde. Donc on a rencontré les responsables de la CSC de Bruxelles. Et en fait, on était là aujourd'hui, mais c'est pour demander que les centres de services du syndicat réouvrent les services chômage, parce qu'ils sont fermés depuis 2 ans et qu'ils sont totalement inaccessibles. Ils sont fermés, les portes sont fermées, mais quand on téléphone, ça ne répond pas. Quand on envoie des mails, ça ne répond pas non plus. Et donc voilà, je te laisse compléter peut-être sur les conséquences dans les services sociaux, tout ça. Je voulais tout à fait. Et nous, on est là, tant que travailleurs sociaux et aussi travailleurs sans emploi, pour un peu faire passer le message que quand on ferme un service, ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas accès à leurs droits. Et donc le droit aux allocations de chômage, si on n'a pas accès à quelqu'un, à une vraie personne, pour comprendre pourquoi le dossier n'est pas complété ou pourquoi le paiement n'est pas fait depuis 3 mois, c'est très violent pour la personne. Donc c'est pour ça qu'on est ici, pour faire passer ce message. Donc on peut vous demander ce qui ressort de la réunion ? Oui, nous avons discuté lors de cette réunion, nous avons obtenu plusieurs choses, on ne peut pas tout obtenir, de toute façon c'était une négociation. Donc nous avons obtenu qu'à partir de début mars, ici à la rue Plétine, il y aura une borne pour pouvoir prendre des rendez-vous. Cette borne aura une personne qui accompagnera ceux qui ne sont pas les plus familiers par rapport à l'outil numérique. Donc via cette borne, il sera possible de prendre des rendez-vous qui auront lieu à partir de la mi-mars. Ici à la rue Plétings dans un premier temps, éventuellement suivant des possibilités dans d'autres centres de services de la CSC sur Bruxelles. Il n'y a pas un engagement ferme sur l'ouverture de ces autres centres de services, au moins à la rue Plétings, ça c'est une. Voilà, ça a été dit. Il y a une volonté très ferme d'améliorer la ligne téléphonique pour que les appels puissent être répondus plus vite, pour être mieux, éventuellement avec une prise de rendez-vous via celle-ci. Et avec la possibilité dans le futur d'un groupe de travail par rapport au niveau de la carte de pointage pour qu'elle puisse rester en papier avec d'autres syndicats éventuellement, avec notre collectif aussi. Et nous nous reverrons le 1er mars afin de réévaluer ce qui était proposé aujourd'hui et voir la possibilité d'avancer dans celle-ci. Et donc, satisfait ou... C'est un début. La lutte continue. La lutte continue, de toute façon. On sera de retour. On sera de retour le 1er mars. Parfait, merci. Écoutez, on a essayé de faire un maximum avec les moyens que nous avons aujourd'hui et avec aussi, comment on appelle ça, les services chômage. Chez nous, c'est des gens qui veulent pouvoir répondre. S'ils se sont engagés, ils veulent absolument qu'on le fasse. Donc, dans un premier temps, on va prendre de nos forces, entre guillemets, politiques pour pouvoir accueillir les gens ici avec une borne et de les aider. Et voilà, donc ils ont une présence humaine. Après ça, c'est vrai qu'on s'est engagé d'ouvrir sur Bruxelles. On pense raisonnablement, mais on ne veut pas prendre d'engagement si on ne veut pas les tenir, que dans d'autres centres de services, ce sera rapidement possible, avec beaucoup de difficultés, mais on pense qu'on veut le faire, mais c'est pour ça qu'on a dit on veut être correct, on ne va pas dire on va le faire. Le 1er mars, puisqu'on aura travaillé d'ici là, mais on y travaille déjà depuis longtemps, ben, on va faire le point avec les organisations en se disant où on en est. On a aussi dit qu'on va permettre aux organisations de pouvoir prendre des rendez-vous, eux, parce que bien entendu, les gens viennent partout, ils viennent dans nos services, entre guillemets, syndicaux, ils viennent dans nos services chômage, partout. Donc on prendra pour les gens des rendez-vous physiques, comme ça, ils ne devront pas passer ici et ils auront un rendez-vous. Voilà, et on y travaille, hein, mais améliorer aussi la téléphonie, c'est ce qu'on a dit. Et alors, ensemble, on va aussi faire appel, mais je pense que le Front commun sera prêt aussi, c'est de revendiquer le fait qu'un chômeur demain peut rester un chômeur, entre guillemets, papier, et pas nécessairement informatisé. Voilà. Maintenant, nous allons écouter un entretien que j'ai fait cet après-midi avec une personne, Sam, à Calais, pour parler des actions et surtout des occupations qui ont eu lieu depuis la semaine passée. Une des occupations a été expulsée, l'autre est toujours là. Mais voilà. Et c'était suite à la manifestation de commémoration. Il y a eu un appel pour aller là-bas. Oui, tout à fait, mais ça parle spécifiquement des occupations. Oui, oui. Voilà. Et le collectif Logement pour tous. Ok. No one, he's illegal. Nous sommes dans une cité rouge. Le quartier rouge, on l'appelle. 6200, quartier rouge, quartier grosse tête et tout, on est bien hâle. On est au quartier du Fornieret, quartier, le deuxième quartier chaud de Calais, le premier quartier chaud c'est là, Zup, de l'autre côté. Et ils ont décidé de prendre ce quartier là pour voilà, pour donner de la force en fait en gros aux migrants, aux gens qui dorment dehors. Gros gros soutien à eux, ils ont des grosses couilles de faire ça, surtout à ceux qui sont restés à l'intérieur sans électricité, sans ravitaillement. Et surtout on nique la police. On est là pour toi. Les gars, contre les racistes. Contre les racistes, contre la police, on en a marre des injustices. Be human, have hope, no fence, watchers, one world, no hope, no limits, no frontiers, one face. Bonjour Sam, merci de vouloir parler avec nous sur ce qui s'est passé la semaine passée à Calais. Donc il y a eu des actions, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui, quoi, pourquoi? Ouais. Bonjour. Donc du coup, la semaine dernière à Calais, il y a eu une action qui a rassemblé plus de, on va dire, entre 150 et 200 militants, nos borders, des militants qui luttent aux frontières et pas que, frontières italiennes, des personnes d'Italie, des personnes de Paris et d'autres endroits de France qui se sont rassemblés à Calais pour tenter d'ouvrir des squats. L'idée, il y a deux lieux qui ont été ouverts et c'était une action d'ampleur comme il n'y en a pas eu beaucoup à Calais depuis 5 ou 6 ans parce que toutes les tentatives de squat depuis 5 ou 6 ans ont échoué. Il y avait vraiment la volonté de renouer avec des espaces autonomes à la frontière, dans la ville et voilà. Et du coup, dans ces deux bâtiments-là, il y a eu notamment une tour de 10 étages qui a été pas mal médiatisée parce que, du coup, moi, j'étais à l'intérieur de la tour. Et en fait, la police et les autorités locales nous ont créé un siège. Du coup, on était enfermés dans la tour de 10 étages et il n'y avait pas d'eau et pas de nourriture qui pouvait entrer et personne ne pouvait entrer, etc. Donc ça a duré 4 jours et ça s'est terminé par l'intervention du RAID qui est... C'est qui le RAID? Pardon? C'est qui le RAID? Le RAID, c'est une force de police, c'est comme le GIGN. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en Belgique, mais c'est des forces d'intervention spéciales, notamment dans la lutte antiterroriste. Okay. Voilà, intervention policière complètement démesurée, qui sont arrivés avec un hélicoptère à 8h du matin. Enfin. Voilà, donc du coup, à ce moment-là, on est parti de la tour. Il n'y a qu'une personne qui s'est fait interpeller sur les personnes qui étaient à l'intérieur. Et en parallèle de tout ça, il y avait aussi une maison qui a été ouverte et qui, à ce jour, on est toujours dans la maison. Et voilà. Ok. Ça fait une dizaine de jours là que la maison a été ouverte. Et donc cette maison est toujours ouverte. Pardon? Donc le deuxième immeuble est toujours occupé. Oui, c'est ça. C'est une grande maison. Et l'idée, le projet dans cette maison, c'est de créer un espace de vie et d'habitation en mixité avec des personnes. Qui sont en solidarité avec les personnes bloquées à la frontière à Calais, des personnes qui essaient de traverser la frontière, des personnes, toute personne qui a des problématiques de logement sur Calais. Et du coup, l'idée, c'est de créer un lieu autonome, un lieu sûr et digne qui échappe au contrôle de la police et de l'État qui est absolument omniprésent et violent à la frontière à Calais. Oui. Et pour l'instant, bah, on commence petit à petit. Voilà, donc ce lieu existe déjà et a vocation à se développer, on l'espère. Ok. Et comment a été la réaction des gens qui habitent autour des immeubles? Alors, dans la tour de 10 étages qui s'est fait expulser par l'hélicoptère, là, du coup, c'est une tour qui se situe dans un quartier populaire de la ville et la réaction du voisinage a été vraiment incroyable, très soutenante, très solidaire. Il y a eu aussi des émeutes qui ont éclaté dans le quartier. En fait, c'est pendant les vacances scolaires, il y avait beaucoup de jeunes du quartier Le fait que, en fait, notre présence a amené une extrême présence et une extrême répression policière avec des dizaines de camions de CRS dans le quartier toute la journée. Du coup, il y a eu une réaction du quartier qui a été vraiment extrêmement positive à notre égard. Mmh. Et dans le, donc, mais bon, ça, c'est dans, enfin, c'était vraiment magnifique à voir. Et là, dans la maison qui tient toujours, c'est un peu plus mitigé. Les relations avec le voisinage sont un peu plus tendues avec les voisins proches. Mais il y a vraiment une solidarité assez... enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui passent au squat nous porter soutien, nous amener des meubles. Il y a aussi des voisins qui sont très, très contents qu'on soit là. Il y a aussi le petit-fils du propriétaire de la maison qui est venu nous dire que, qu'il était extrêmement content qu'on soit dans la maison. Donc, malgré le fait qu'il y ait des voisins et un traitement médiatique dans les journaux locaux qui est assez, on va dire, négatif à notre égard, ouais, il y a quand même une solidarité locale qui est hyper présente et qui fait plaisir à voir. Ok. Et je pense que en fait, il y a beaucoup de Calaisiens, Calaisiennes qui sont contents qu'il y ait ce type d'action qui revienne, qui sont un peu pour repolitiser un peu la lutte à la frontière. Parce que c'est. Ouais, il y a eu un essoufflement des réseaux no border, des réseaux militants, des actions politiques à la frontière ces dernières années. Et je, ouais, crois que. Je ne veux pas parler en leur nom, mais je crois qu'il y a pas mal de personnes qui se réjouissent de ce qui est en train de se passer. Mmh. Ok. Et si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui veulent venir dire bonjour ou qui veulent s'informer sur le développement, est-ce que vous avez une présence sur Internet ou quelque chose? Oui, alors, on a un Twitter qui s'appelle @calaislogement. Sur lequel on publie nos communiqués et aussi des informations pas quotidiennes, mais on essaye d'être actifs sur cette page-là. Sinon, il y a une adresse email où on peut être en contact. Oui. Ça s'appelle Calais Logement pour Tous, donc tous, T-O-U-S-T-E-S, @gmail.com. Donc, on peut être en contact par mail aussi, mais c'est principalement via le Twitter et on va essayer de voir comment avoir une plateforme un peu plus vaste qu'un compte Twitter, mais c'est vrai que vu qu'on est un collectif informel, c'est vrai, oui, qu'on n'a pas forcément de plateforme autre que celle-ci pour l'instant. Ok, mais c'est déjà ça, hein, en tout cas. voilà. Ben, est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux nous raconter? Non, bah, que toute personne qui s'intéresse à ce qui se passe à la frontière à Calais, et la bienvenue pour nous contacter et qu'on va pas s'arrêter là. Et que tant qu'il y aura des bâtiments vivants, on ouvrira des squats, voilà. Ouais. Non, mais c'est très plaisir. Merci beaucoup de nous avoir invités à témoigner sur votre antenne. Bah, merci beaucoup de bien vouloir témoigner, en tout cas. Beaucoup de succès, en tout cas, pour la continuation. Et merci beaucoup et au revoir, Sam. Ouais, merci à toi. Oui, au revoir. Au revoir. Playmobil. On les Playmobil. Bah, le bloc, il va être démoli, pourquoi pas leur laisser? En soi, il est démoli en 2024, ils font chier personne, ils sont dans le bloc, je vois pas où il est le problème. Et ils embêtent pas les locataires, il y en a pas. C'est ça. Quand ils viendraient, ils tueraient tout, ils traiteraient les gens. Ils agressent pas, ils... Mais là, ils ne traitent personne, ils sont en haut, ils veulent juste avoir un logement parce qu'ils sont venus en France, parce que dans leur pays, il y a la guerre et tout, et ils ont pas le droit d'aller en France parce qu'ils sont métis. Ah, parce qu'ils sont étrangers, chérie. Ah non, mais ils ont qu'à laisser le bloc, ils empêchent les ravitaillements, c'est, tout, c'est des êtres humains, hein. C'est... même les animaux on les traite mieux, donc au bout d'un moment... Là on a le cas pareil, il y a des immeubles de 4 étages, sur 4 étages, il y a 3 étages de libre à chaque fois. De tout le monde. Bah, qui foutent la paix, qui leur donnent tous un appartement, il y a de la place pour tout le monde peut se loger. Bah bien sûr. Soi-disant, ils font le bordel et tout, s'ils ont un appartement, ils le font pas et ils font pas le bordel. au contraire. On leur a donné le... C'était quoi, la jungle? Juste un logement. On leur a donné la jungle, ça a été détruite. On leur a prêté un entrepôt, finalement, ils ont pété l'entrepôt. Là, bah, bien sûr, ils ont raison de prendre d'assaut les blocs. Ils servent et à rien. Quand les associations ils viennent les nourrir et qu'ils viennent derrière, qu'ils viennent leur péter les camions d'associations, qui refusent que les gens ils sont nourris, en quelle année on refuse de donner à manger à des personnes en 2022? C'est honteux. Et en quelle année il y a les policiers, ils voient des gens de couleur, ils arrivent, coups de matraque, ils vont les frapper et tout parce qu'ils sont de couleur. Ce serait eux de couleur, ils aimeraient pas être à leur place. C'est important, hein. Ça va être des gens de couleur, ils s'amusent à dire on veut pas de... et tout. Et ça va être... Non, il y a la diversité. Voilà, tu te blanches et un bronzé. Attention derrière, attention, attention. Grand merci à Street Politics qui m'a gracieusement prêté, enfin qui m'a dit oui, c'est ok si tu vas piocher dans les sons de mes vidéos. Street Politics, c'est une chaîne sur YouTube qui a publié plusieurs vidéos sur les actions à Calais, aussi sur les Gilets jaunes et autres. Et je vous recommande très très fort, c'est très sympa, franchement. Et encore une fois, merci Street Politics. Et aussi, merci à toutes les militantes sur place, encore, pour relancer la lutte à Calais. Voilà. Oui, il est vrai que cette année, il y aura de nouveau un camp au border, aux Pays-Bas, par exemple. Donc, on essaie d'un peu de donner un deuxième souffle au mouvement, ou troisième ou quatrième souffle au mouvement. Et voilà. Et maintenant, à Calais, franchement, avec 150 à 200 personnes qui vont occuper un immeuble, c'est pas mal, franchement. Bon, on passe à autre chose. Serge va nous raconter sur l'opération Thermos. C'est une action distribution d'alimentation, mais il va vous expliquer tout ça. Oui, donc l'opération Thermos, c'est une opération qui existe depuis 1987. Ça a commencé par des jeunes, en fait, qui se promenaient et puis qu'ils ont vu beaucoup de gens qui étaient dans les rues, surtout en hiver. Donc, ils ont commencé à se réunir pour préparer du café. Cela devient, en fait, l'opération Thermos. Ils ont fait ça pendant quelques années. Puis, ils ont commencé à laisser tomber. Et ça a été repris par d'autres, qu'ils ont créé une ASBL. Et depuis lors, en fait, ils font des plateaux repas. Donc, du mois d'octobre jusqu'à fin avril, pratiquement tous les jours. Tous les jours, en fait, il y a soit des groupes qui préparent à manger eux-mêmes, soit ce sont des sociétés qui préparent à manger eux-mêmes. Comme la STIP, elle est partenaire de l'opération, ils ont droit, s'ils n'ont pas les moyens, d'avoir un bus en fait, qui vient les chercher, soit dans leur entreprise, soit dans un local qui est prévu pour ça. Ils vont les amener en fait, à Botanique. Avant, ça se trouvait en fait, à la gare centrale, mais avec tous les passages et tout, c'était difficile. Au début, en fait, les gens ils mettaient des tables et ils mangeaient là. Donc, ils distribuaient aux personnes directement. Il y avait moyen de discuter avec eux. C'était des moments très chaleureux et tout, parce que même les gens qui sont à la rue ou qui ont des... Parce que ce n'est pas que pour des gens qui sont à la rue, ce sont des gens qui ont aussi des problèmes précaires, surtout maintenant, en plus, avec l'augmentation du prix du mazout, d'électricité et tout, du gaz. Donc, les gens, ils ont de moins en moins. Et depuis qu'il y a eu le Covid, hélas, il était interdit, en fait, de leur donner à manger directement. Donc, ce sont des plateaux qui sont préparés, que l'on met dans des raviers et tout, et ils ont droit à un repas chaud, un fruit, une boisson, une soupe, et alors un café ou un chocolat chaud, c'est à leur choix. C'est comme c'était Thermos, ils ont gardé ça, le fameux café et le chocolat chaud. Et ils en sont maintenant, par jour, à faire en moyenne 150 repas. Mais ils ont des moyens aussi, de temps en temps, de faire un peu plus, parce qu'ils ont quand même quelques réserves. Hélas, des fois, ce n'est pas des repas chauds, là, ce sont que des tartines, parce que dans les réserves, c'est très difficile, parce que aussi les gens qui font à manger, c'est souvent sur 3 heures de temps. Donc, ce n'est pas énorme pour faire des très grandes quantités. Donc, c'est limité pour l'instant à 150. Et donc, ils donnent. Et souvent, en fait, si les gens, ils sont... Parce que leur épouse ou leur copain ou un truc comme ça, il ne sait pas venir. Parce que des gens qui sont à la rue, c'est quand même un monde très violent. Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se déplacer parce qu'ils ont trouvé un endroit où ils se sentent bien, parce qu'il y a moins de vent, c'est tout ça, pour l'appui, se protéger. Donc en fait, ils ont droit quand même à deux repas et tout. Et quand il y a de trop, en fait, généralement, le bus, en fait, il fait un tour dans le quartier pour trouver des gens qui seraient à la rue, qui n'osent pas venir, qui ne connaissent pas, pour les distribuer, en fait, les repas comme ça. Il y a... Ouais. Oui. Tu dis que la STIP est partenaire. Les partenaires, oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de groupes, en fait, de gens qui travaillent à la STIP, que ce soit des groupes de chauffeurs, bus, tram, métro, des mécaniciens, il y a aussi des groupes de gens qui travaillent dans les bureaux et tout. Donc, généralement, une à deux fois par an, si pas trois fois par an, en fait, ils font eux-mêmes, en fait, ils rejoignent le local et ils font à manger eux-mêmes. Parce que la STIP, en fait, elle donne une certaine somme d'argent pour préparer les repas aussi. Mais autrement, tu as des sociétés privées qui le font aussi eux-mêmes, mais qu'ils ont droit donc au véhicule STIP. Donc c'est pas que la distribution, c'est aussi préparer les repas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la distribution, il y a aussi préparer les repas. Et tous les jours, il y a un chauffeur en fait qui sort pour les conduire. Il y a des groupes en fait qui sont très bien organisés. Il y en a un à Linkebeek, ça c'est, j'ai déjà été trois fois avec eux. C'est vraiment des gens. Ils ont ça en eux, c'est que des personnes âgées en fait, mais ils font des repas, mais alors des trucs de fête et tout. C'est vraiment. Et aussi, c'est un des rares aussi qui prévoit en fait aussi des serviettes hygiéniques pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, parce qu'il y a des femmes, c'est pas évident. Donc ils leur préparent ça, chaque fois qu'il y a une femme qui vient, ils leur donnent et tout à part. Il y a des vêtements aussi, des fois ils viennent avec des vêtements, ce qui est plutôt un problème. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils donnent quand même aussi. Ils ont toujours la nourriture pour le chat ou pour le chien aussi. Toujours un petit peu quand les gens, parce qu'ils ont souvent un chien avec eux. Voilà. Et c'est pas simplement pour les SDF, hein, c'est pour tous les gens qui sont aussi précaires. Il faut simplement se trouver à partir de 8 heures dans l'allée entre la station de Botanique et la Tour des Finances, en fait. C'est là-dedans qu'ils distribuent les repas. Mmh, je vois. Et les volontaires, ils font ça dans leur temps de travail ou ça non, dort Non, en dehors. C'est vraiment du volontaire. Leur shift, ils font... Ouais. Même ceux qui conduisent les bus, ce sont tous des gens qui sont volontaires, en fait. Donc c'est des dehors, appels qui sont faits et les gens qui répondent... C'est des appels qu'ils ont faits, ouais. Oui, en fait, j'ai vu cette semaine la même chose chez Sibelga, où moi je travaille. Il y avait aussi un appel pour former une équipe. et de participer à l'opération Thermos. Oui, parce qu'il ne faut être pas beaucoup, hein. C'est 12 maximum. Hein. 12 personnes simplement, et ça tourne comme ça. Et ils te font 150 repas à peu près. Ça, des fois, ça tourne un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus chaque fois. Oui. Ouais, parce que si, fin mars, quand ils vont être virés de SAMU social, de nouveau plein de fin d'hiver, quoi. Ça peut augmenter beaucoup, non ? Les gens ont encore plus de la demande. Parce que tout ça, l'année, c'est toujours pas réglé. L'année passée, ça n'a pas augmenté à la fin de l'hiver, en tout cas, le nombre de personnes. Ah non. C'était assez stable, oui. Parce qu'il y a d'autres associations aussi qui donnent, c'est pour ça aussi. Ouais. Ben voilà. Mais puisqu'on parle du monde du travail, et puisque j'aime bien les bonnes nouvelles, il ne faut pas que parler de mauvaises nouvelles dans une émission anarchiste, je trouve. Chez Sibelga, on a gagné une grève et c'était quand même important. Et la première fois depuis très, très longtemps. En gros, il faut savoir que... Donc, on a fait 5 jours de grève, ce qui est déjà assez exceptionnel. Avec un piquet de grève qui a passé le week-end aussi. Donc, on a commencé un mercredi, on a continué jusqu'au mardi. Et il faut savoir qu'il y a 20 ans, avec la libéralisation du marché du gaz et l'électricité, l'entreprise qui gérait la plus grosse partie de tout ça, de la distribution et de la vente d'énergie en Belgique, c'est-à-dire Electrabel, a été revendue à Suez Lyonnaise des Eaux. Et il y a eu tout le changement qui a fait qu'on a scindé la vente de l'électricité ou le commerce, et puis de l'autre côté, la gestion du réseau. Ben, juste pour vous dire ça. Et à ce moment-là, pour un peu embellir la mariée, hein, par rapport à Suez Lyonnaise, on a gravement réduit la masse salariale en imposant de nouveaux contrats, en fait, de nouvelles conditions de travail. Et à cette époque-là, donc fin des années 90, début des années 20, début des années 2000, on avait déjà mené pas mal de grèves, on a tout perdu, on n'a jamais marché, on a fait des manifs, on a été cassé les vitres de l'Electrabel au boulevard de la Régence, ça n'a absolument rien donné. Il y a énormément de gens qui ont été mis à la porte, qui étaient devenus obsolètes. Et tous les nouveaux qui arrivaient, à l'entrée, en fait, au début de ta carrière, gagnaient de 30-35% en moins. Donc c'est une différence énorme. Et aujourd'hui, en fait, le mouvement, il a commencé en Wallonie. Parce qu'en Wallonie, tu as l'entreprise qui gère le gaz et l'électricité qui s'appelle Ores. Où il y a eu des avancées par rapport aux personnes avec les nouvelles conditions de travail. Et du coup, évidemment, si c'est possible en Wallonie, on veut ça à Bruxelles aussi. Donc on a négocié pendant des mois. La direction n'a pas voulu céder. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À un moment, on part en grève. Et c'était clair que même dans une époque de télétravail, parce que ça c'est quand même assez particulier aussi, que les gens étaient prêts à faire la grève. Et il y avait aussi des gens, parce qu'il n'y a pas que des télétravailleurs, il y a aussi des gens, des techniciens et tout ça, qui travaillent sur le terrain, qui étaient prêts à arrêter le travail et à aller dans un piquet de grève à l'entreprise. Et le piquet même a donc tenu 7 jours, en fait. 5 jours de travail, mais 7 jours en tout. Et ça a marché. Ça a marché dans le sens qu'on n'a pas... On ne nous a pas jeté des chèques de consommation ou des chèques repas ou des miettes comme ça, ou des trucs qui ne sont pas importants sur lesquels on ne paye pas de sécurité sociale et des trucs qui ne comptent pas pour ta retraite. Mais il y a eu une réelle augmentation pour des gens qui ont des nouvelles conditions de travail. Et ça, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on remonte réellement la pente pour... J'espère d'arriver de nouveau au niveau des conditions de travail d'avant, qui ont été acquis dans les années 60 et 70 par maintes actions syndicales, par maintes grèves. On a mis dans le même statut les ouvriers et les employés. Donc tout le monde a reçu un contrat d'employé. Ça, c'était déjà dans les années 70 quelque chose d'important. Puis on a fait la grève, on a reçu le 13e mois. Quand on a vu que le 13e mois était bouffé par la contribution, on a fait grève pour le 14e mois. Et voilà, donc il y a eu des réelles avancées aussi par rapport à des assurances hospitalisation et tout ça à cette époque-là. Et voilà, et à un moment, bien sûr, ça commence à mal tourner, et ça commence à diminuer dans tous les sens. Et bien aujourd'hui, on peut dire que la tendance a été renversée et on remonte la pente. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Toutes les grèves sont perdues, franchement. Et on a démontré que ça vaut la peine de lutter, ça vaut la peine d'y aller. Et pour les choses importantes, hein, pas pour, les, comme je dis, les chèques de consommation qu'on a reçus, 500 euros la fin de l'année passée, c'est du n'importe quoi. Ça pousse juste les gens à la consommation bête, qui est un des plus grands problèmes de notre société et de notre terre, c'est cette consommation, ce mode de vie. Mais ça, pour ça, on peut donner quoi. Mais voilà, mais pour une fois, ça a bien marché. Passez une petite musique. Moi, c'est un coup de pied dans la merde que j'éjecte tous les cafards, avec ou sans deal, que je démasse tous les crevards. Tu crois quoi que je vais signer avec toi? Sans déma tous les mots qu'il y a dans ton contrat, sans péter toutes les fausses fois qu'il y a dans ton contrat. Avec moi, tu peux négocier pendant des mois, car c'est pour des années que tu veux maquer ma voix. Être à la merci de décisions de gens que je connais pas, qui me connaissent pas, qui me représentent pas. Si décidant que ça, laisse-moi libre. Quoi? Tu peux pas, ça va nuire à ma carrière, c'est quoi? Je fais des featuring en même temps que mes albums. Quoi? Que ma carrière solo doit aussi sortir chez toi. Non, c'est pas ça, pas ça, référence, mais je comprends pas. Attends à voir ton autorisation pour poser ma voix. Laquelle assassin ou te squat, Mocha ou Honda? Et dis-moi, tu veux signer aussi Jema? Pour dealer, tu veux qu'on te branche avec Corrida? Arrête si tu veux des putains, maquette, t'excites pas sur moi. Moi, je cherche pas à t'étouffer, donc prends exemple sur ça. Je prends des classiques comme le toutes les rythmes pour que nos voix avertissent nos soldats. Mais pour le moment, je suis là. Tout le monde s'approche de moi. Je prends des classiques comme I'm the king of rap. Traverse les époques et représente le real hip hop. C'est fait, c'est dit. Et si t'es hip hop pour des cuts, ne demande pas de royalty. L'industrie est whack. Trop whack pour squat. Et pour tous mes macaques qui avancent en position compacte. Trop d'MC block, un premier titre hot. Un deuxième pop, le troisième flop. Quand je prends le mic, c'est hip hop, hip hop. Tu veux sonner comme Jay-Z et être ouf comme Redman, ressembler à Snoopy. Mais tu prends des bananes, car l'industrie banane est whack. Mais aiguisé dans le comptage des carrosses, ça m'étonnerait pas que ce soit Bugs Bunny qui t'ouvre la porte. Pour les graffiti artistes, pour les DJ, les cœurs brisent sur la piste. Pour nos sœurs, pour les anciens, pour tous nos morts et tous nos magiciens. On garde espoir car le hip-hop est la lumière. On représente sa force et le showbiz nique sa mère. J'prends des classiques comme et quand tu me croises, les rimes claquent et puis frappent. J'prends des classiques comme Together, forever, we're number one. Encore feu. Il me rattrape, MC en fuite, tête qui tombe. Je dois big up les crews qui ne se sont pas vendus. Tous ceux qui ont venu, tous ceux qui tiennent et qui tiendront encore. Tous les coups à corps, tous ceux qui ont le mort. Tous ceux qui veulent l'or, sans tromper notre sort. De squat, rappeur hardcore, ultra magnétique MC, détesté à mort. Stack qui claque les corps, corps. Stack qui nique les ports, ports. Là où tu arrives, ça fait des années qu'on y mit d'or. Qu'on y fait du sport, qu'on développe les anticorps. Pour que les MC passent de la gare du Nord au disque d'or. Béflant quand tu me croises, mais tu connais notre apport. Au centre des polémiques, c'est là que je remonte le score. C'est hardcore comme reconnaître ses torts. Faire face à ses faiblesses, sans que son âme s'évapore. Fort de mes expériences, seul face à ma mort. J'emmène ma tribu vers l'équilibre, c'est en rapport. Corrigas everywhere. On prend les classiques, on fout tous les dance floor en l'air. On unifie, blanc, arabe et noir. Pourquoi? Hey, j'prends des classiques comme normal, moi c'est walking, walking, l'assassin de squat ou squat. Et comme il pue un tour, Corrigas everywhere. On prend des classiques, on fout tous les dance floor en l'air. On unifie le jaune, le rouge, le vert. Quoi, quoi? Hey, hey, j'prends des classiques comme normal, moi c'est walking, walking, fat trap, fat trap, fat frap. Hey, et comme il pue un tour. Voilà, donc la chanson que nous avons passée maintenant, c'est s'appelle État policier et c'est de Poss Assassin. Assassin simplement, voilà. Et en fait, j'avais demandé à Serge de me passer cette chanson, mais en fait, je voulais vous la passer parce que dans l'agenda, parce que je vais faire l'agenda, mercredi 23 février, il y aura mercredi 23 février, attendez, je suis. au palais de justice, donc il y a devant le palais de justice de la place Poulart à Bruxelles. Il y aura de nouveau un rassemblement qui va avoir lieu, parce qu'il y a une audience qui va avoir lieu à la suite du décès des deux jeunes, Wassim qui roulait à moto et Sabrina sa passagère, et que les policiers avaient poursuivi parce qu'ils n'avaient pas respecté la limite de vitesse et qu'ils n'auraient pas porté des chaussures adéquates, et ils ont été poursuivis par les flics, et un des flics, une voiture de police s'était mise au bout d'un tunnel et la moto a percuté la voiture, et donc ils sont morts tous les deux, et donc il y a un procès, et les conducteurs de la voiture qui poursuivaient donc la moto et le conducteur de la voiture qui a bloqué la sortie du tunnel vont répondre de leurs actes devant la chambre des mises en accusation, qui devrait décider de leur renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc voilà, donc il y a un rassemblement qui va se faire, enfin il y a les gens peuvent aller se rassembler devant le palais de justice mercredi 23 février 2022 à 9h du matin. Et je trouvais que c'était bien de passer cette chanson parce qu'elle parle vraiment des crimes commis par la police. Voilà. Donc, revenons à notre agenda. On va revenir au début. Donc, le 17 février à 14h à la salle d'expo de la faculté d'architecture de l'ULB, place Flagey, au 19B de la place Flagey. Et c'est une exposition qui s'appelle Don't Shot, qui se tiendra dans la salle d'expo de la faculté d'architecture de l'ULB, et qui réunit des photographies, des vidéos et des témoignages visant à mettre en débat des questions telles que la répression de la liberté d'expression dans l'espace public et la criminalisation croissante des mouvements sociaux, des personnes migrantes, des citoyens, citoyennes et des journalistes. Et alors ce projet, cette expo dure du 17 février, donc c'est demain, au 10 mars. Et ce projet est porté par le photographe Frédéric Moreau de Balingue, Zine TV, le collectif Krasny et la Ligue des droits humains, et c'est enrichi de la participation du LB Corporation pour cette édition. Donc si vous voulez y aller, c'est dans la salle d'exposition, dans la salle d'exposition de la faculté d'architecture du LB, et c'est de 14h à 19h tous les jours à l'exception du lundi. Et c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de CST, port du masque et respect des gestes barrières qui est requis, mais il n'y a pas de CST obligatoire. Voilà, ça c'est pour demain. Alors, ça commence demain. Vendredi 18 février, vous avez place Saint-Jean, il y a une réunion, je ne sais pas si c'est une réunion, place Saint-Jean, adresse place Saint-Jean Bruxelles, une réunion à propos de la 5G, pour savoir quelle démocratie, à l'heure où les décisions législatives sur les déploiements de la 5G sont reportées de mois en mois et que les modes de consultation sont plus ou moins remis en question, une centaine de personnes se rassemblera à Bruxelles, place Saint-Jean, à deux pas du Parlement bruxellois pour réaliser leur propre assemblée ouverte à tous et à toutes, parlementaires, citoyens, citoyennes, pour échanger les arguments autour du déploiement de la 5G en toute transparence. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y aura plusieurs intervenants. Il y a une carte blanche qui avait été publiée le samedi 8 janvier dernier dans le journal L'Écho à propos de la 5G. Donc voilà, donc si vous voulez y aller, c'est donc vendredi 18 février 2022 à partir de 16h, place Saint-Jean, place Saint-Jean Bruxelles, 6000 Bruxelles. Ensuite, vous avez à 18h également, aux Hôtes Morgan, comme tous les vendredis soirs, à partir de 18h, si vous voulez bien me donner mes informations, aux Hôtes Morgan, 32 rue de la Grande-Île, c'est la Distro Lapinothèque, qui est une table de diffusion de bouquins, zines et autres futilités liées à la critique sociale. C'est tous les vendredis, donc de 18h à 21h, au 32 rue de la Grande-Île. Donc vous pouvez venir boire un coup, feuilleter, popoter, voilà. Et ils sont aussi présents tous les premiers mercredis du mois à partir de 18h au Bunker, rue des Plantes 66A à Bruxelles. Et puis c'est aussi une émission de radio tous les mercredis du mois sur Radio Air Libre 87.7 à 20h30 et en rediffusion les vendredis qui suivent à 21h. Voilà, et donc il y a les podcasts qui se trouvent sur le site de Lapin Électrique, blogspot.com, les Lapins Électriques, blogspot.com, et sur Tranche d'un Arbre, nos blogs.org. Voilà, donc ça c'est pour la Saint. Le 19 février, alors il y a toute une journée, non, à partir de 15h, il y a à Arnhem, une journée de soutien aux quatre condamnés du procès de la maquette de la maxi-prison. Et alors, donc voilà, ça s'appelle la justice à l'envers, journée de soutien. Alors c'est le moment de s'informer, de se revoir, et c'est le moment de poser un acte solidaire et en action pour construire l'avenir autant de la société, mais aussi de la lutte qui continue. Alors donc on vous propose d'aller les rejoindre dans cette nouvelle dynamique après cette période de trêve. Donc ça commence à 15h, de 15h à 17h, il y aura une promenade autour du chantier de la maxi-prison avec une expo photo qui s'appelle « En vis-à-vis ». Un extrait de l'enquête photographique du village pénitentiaire, des habitants de Kurgemstraat et de la rue Witloof témoignent de leur vécu aux portes d'une maxi-prison en construction. Alors, donc, ça, c'est, alors, le rendez-vous est fixé à 15h à la rue du Chicon, donc la rue Witloof, à Arnhem, c'est près de l'arrêt Witloof du bus 65. À partir de 17h, 6h, il y aura 6 heures de solidarité avec les quatre condamnés. Il y aura une expo, une chronique illustrée de la lutte de Quelbecq contre la maxi-prison, et patati et patata, expo du Quelbecq, des archives de notes de parcours, présentation d'un livret Évasion poétique, ni prison ni béton, présentation du livre, présentation de l'état d'avancement de la maxi-prison, atelier chant militant, table d'hôtes et à 21h, musette Quelbecq. À l'école Caméléon, 10... rue Servandoni à Arnhem, et l'entrée est libre. Alors on vous dit qu'il faut venir avec de l'argent liquide car il n'y a pas de distributeur de billets à Arnhem, tenez compte donc des mesures Covid. Donc si vous voulez soutenir les quatre condamnés financièrement, il y a un compte. Bon, vous pourrez le retrouver sur Indemedia Bruxelles, mais je vais déjà vous le donner. C'est BE, vous mettez soutien procès maquette. BE 66 52 30 47 45 89 43. Voilà, ça c'est pour samedi. Dimanche, donc à 18h30, il y a au Sound, qui est rue de la Tulipe 28 à XL, la thématique des frontières quand on est une personne queer, on connaît. Bien que très différente des frontières physiques que les personnes illégalisées rencontrent sur leur parcours vers l'Europe, mais avec des parallèles forts, c'est la raison pour laquelle nous avons envie d'apporter notre soutien aux personnes sans papier, et plus particulièrement au collectif de l'Église du Béguinage. Nous organisons une scène ouverte, slam, rap, impro, drag, dont les bénéfices, entrée plus bar plus nourriture, seraient reversés au collectif de l'Église du Béguinage. Donc il y a une réservation à faire, c'est acab@rizup.net. Donc il y aura des groupes qui vont venir, voilà, plusieurs groupes, et puis voilà. Alors le CST ici, le CST sera demandé à l'entrée, et on vous demande de porter le masque lorsque on se déplace dans l'espace. Voilà. Ensuite, donc le lundi 21 février, il y a la permanence squat à l'assaut du vide, au Burgtwinkel. C'est toujours tous les lundis, de 14h30 à 17h30, au Burgtwinkel, 13 Place Anne-Essen, 5000 Bruxelles. C'est sur la problématique des logements, des squats et tout. Donc ça, c'est comme tous les lundis. Ensuite, vous avez permanence autodéfense numérique, qui est au lieu Anarchive, 101 rue Josaphat à Scarbeck. Comment se protéger des regards indiscrets de l'État et des GAFAM. Ramène ton ordi ou ton smartphone, qu'on voit ça ensemble. Voilà, et ça se passe donc à partir de 17h à Anarchive. Ensuite, vous avez un rassemblement à Julien Assange à 17h également. Et puis, donc, le procès dont je vous ai parlé au début. C'est tout. Au revoir. Oui, il y a encore l'expo Déportation Zaventem à Nederhoverenbeek, place Benoît. C'est dans un centre communautaire qui s'appelle Nova. Centre culturel NEH Maison de la Création. Ouais. Voilà. Et donc, on n'a pas pu passer le reportage sonore avec l'explication de l'expo, mais t'inquiète. Il y a encore moyen de visiter cette expo à Neder-Overijssel jusqu'au 1er mars. 1er mars. Et sinon, après, j'ai entendu que l'expo revient à Maison du Livre, ici aussi à Gilles, bientôt. C'est bien ça. Voilà. Donc, et ça, le reportage, on passera une autre fois. Ça va. Ben, merci. Bonsoir merci à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est à l'écoute de... L'étrange journal. L'étrange journal. L'étrange journal.